La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 2e, Rome et les faux dieux. Chapitre 9. Les anciens romains jugeaient nécessaire de réprimer la licence des poètes, à la différence des grecs qui ne leur imposaient aucune limite, se conformant en ce point à la volonté des dieux. Si l'on veut savoir ce que pensaient à cet égard les anciens Romains, il faut consulter Cicéron qui, dans son traité de la République, fait parler Scipion en ces termes. Jamais la comédie, si l'habitude des mœurs publiques ne l'avait autorisée, n'aurait pu faire goûter les infamies qu'elle étalait sur le théâtre. Cicéron, de la République, livre 4. Les Grecs du moins étaient conséquents dans leur extrême licence, puisque leur loi permettait à la comédie de tout dire sur tout citoyen et en l'appelant par son nom. Aussi, comme dit encore Scipion dans le même ouvrage, « Qui n'a-t-elle pas atteint ? Ou plutôt, qui n'a-t-elle pas déchiré ? À qui fit-elle grâce ? Qu'elle ait blessé des flatteurs populaires, des citoyens malfaisants ? Séditieux, Cléon, Cléophon, Hyperbolus, voyez les comédies d'Aristophane, à la bonne heure, bien que, pour de tels hommes, la censure du magistrat vaille mieux que celle du poète. Mais que Périclès, gouvernant la République depuis tant d'années avec le plus absolu crédit, dans la paix ou dans la guerre, soit outragé par des vers, et qu'on les récite sur la scène, cela n'est pas moins étrange que si, parmi nous, Plaute et Névius se fussent avisés de médire de Publius et de Cnaeus Scipion, ou Cecilius de Caton. Et il ajoute un peu après, nos lois des 12 tables, au contraire, si attentives à ne porter la peine de mort que pour un bien petit nombre de faits. On comprit dans cette classe le délit d'avoir récité publiquement ou d'avoir composé des vers qui attireraient sur autrui le déshonneur et l'infamie, et elles ont sagement décidé, car notre vie doit être soumise à la sentence des tribunaux, à l'examen légitime des magistrats, et non pas aux fantaisies des poètes, et nous ne devons être exposés à entendre une injure qu'avec le droit d'y répondre et de nous défendre devant la justice. Il est aisé de voir combien tout ce passage du 4e livre de la République de Cicéron, que je viens de citer textuellement, sauf quelques mots omis ou modifiés, se rattache étroitement à la question que je veux éclaircir. Cicéron ajoute beaucoup d'autres réflexions, et conclut en montrant fort bien que les anciens Romains ne pouvaient souffrir qu'on loua ou qu'on blâmât sur la scène un citoyen vivant. Quant aux Grecs, qui autorisèrent cette licence, je répète, tout en la flétrissant, qu'on y trouve une sorte d'excuse, quand on considère qu'ils voyaient leur dieu prendre plaisir au spectacle de l'infamie des hommes et de leur propre infamie. Soit que les actions qu'on leur attribuait fussent de l'invention des poètes, soit qu'elles fussent véritables, et plus à Dieu que les spectateurs n'eussent fait qu'en rire, au lieu de les imiter. Au fait, c'eût été un peu trop superbe d'épargner la réputation des principaux de la ville et des simples citoyens, pendant que les dieux sacrifiaient la leur de si bonne grâce. Note. On sait que le traité de la République de Cicéron est perdu aux trois quarts, même après les découvertes d'Angelo-Méo. Le 4e livre, cité ici par Saint-Augustin, est un de ceux dont il nous reste le moins de débris. Le Scipion de la République est Scipion Émilien, le destructeur de Numance et de Carthage. Chapitre 10. C'est un trait de la profonde malice des démons, de vouloir qu'on leur attribue des crimes, soit véritables, soit supposés. On allègue pour excuse que ces actions attribuées aux dieux ne sont pas véritables, mais supposées. Le crime alors n'en serait que plus énorme, Si l'on consulte les notions de la vraie piété et de la vraie religion, et si l'on considère la malice des démons, quel art profond pour tromper les hommes. Quand on diffame un des premiers de l'État qui sert honorablement son pays, cette attaque n'est-elle pas d'autant plus inexcusable qu'elle est plus éloignée de la vérité? Quel supplice ne mérite donc pas ceux qui font à Dieu une injure si atroce et si éclatante? Au reste, ces esprits du mal, que les païens prennent pour des dieux, n'ont d'autre but, en se laissant attribuer de faux crimes, que de prendre les âmes dans ces fictions comme dans des filets, et de les entraîner avec eux dans le supplice où ils sont prédestinés, soit que des hommes qu'ils se plaisent à faire passer pour des dieux, afin de recevoir à leur place parmi l'artifice les adorations des mortels, et en effet commis ces crimes, soit qu'aucun homme n'en étant coupable, ils prennent plaisir à les voir imputés aux dieux, pour donner ainsi aux actions les plus méchantes et les plus honteuses l'autorité du ciel. C'est ainsi que les Grecs, esclaves de ces fausses divinités, n'ont pas cru que les poètes dussent les épargner eux-mêmes sur la scène, ou par le désir de se rendre en cela semblable à leur dieu, ou par la crainte de les offenser, s'ils se montraient jaloux d'avoir une renommée meilleure que la leur. Chapitre 11. Les Grecs admettaient les comédiens à l'exercice des fonctions publiques, convaincus qu'il y avait de l'injustice à mépriser des hommes, dont l'art apaisait la colère des dieux. Les Grecs furent encore très conséquents avec eux-mêmes quand ils jugèrent les comédiens dignes des plus hautes charges de l'État. Nous apprenons, en effet, par Cicéron, dans ce même traité de la République, que l'Athénien Échine, homme très éloquent, après avoir joué la tragédie dans sa jeunesse, brigua la suprême magistrature, et que les Athéniens envoyèrent souvent le comédien Aristodème en ambassade vers Philippe, pour traiter les affaires les plus importantes de la paix et de la guerre. Voyant leur dieu accueillir avec complaisance les pièces de théâtre, il ne leur paraissait pas raisonnable de mettre au rang des personnes infâmes ceux qui servaient à les représenter. Nul doute que tous ces usages des Grecs ne fussent très scandaleux, mais nul doute aussi qu'ils ne fussent en harmonie avec le caractère de leur dieu, car comment aurait-il empêché les poètes et les acteurs de déchirer les citoyens, quand ils les entendaient diffamer leur dieu avec l'approbation de ces dieux mêmes? Et comment aurait-il méprisé, ou plutôt comment n'aurait-il pas élevé aux premiers emplois ceux qui représentaient sur le théâtre des pièces qu'il savait agréables aux dieux? Eût-il été raisonnable, tandis qu'on avait les prêtres en honneur, parce qu'ils attirent sur les hommes la protection des dieux en leur immolant des victimes, de noter d'infamie les comédiens qui, en jouant des pièces de théâtre, ne faisaient autre chose que satisfaire aux désirs des dieux et prévenir l'effet de leurs menaces, d'après la déclaration expresse des prêtres eux-mêmes? Car nous savons que l'Abéon, dont l'érudition fait autorité en cette même matière, distingue les bonnes divinités d'avec les mauvaises, et veut qu'on leur rende un culte différent, conseillant d'apaiser les mauvaises par des sacrifices sanglants et par des prières funèbres, et de se concilier les bonnes par des offrandes joyeuses et agréables, comme les jeux, les festins et les lectisternes. Cette cérémonie consistait à dresser dans les temples de petits lits, sur lesquels on plaçait toutes sortes de viandes, avec les images des dieux. Nous discuterons plus tard, s'il plaît à Dieu, cette distinction de l'Abéon, mais, pour n'en dire en ce moment que ce qui touche à notre sujet, soit que l'on offre indifféremment toutes choses à tous les dieux comme étant tous bons. Car des dieux ne sauraient être mauvais, et ceux des païens ne sont tels que parce qu'ils sont tous des esprits immondes, soit que l'on mette quelques différences, comme le veut l'Abéon, dans les offrandes qu'on présente aux différents dieux. C'est toujours avec raison que les Grecs honorent les comédiens qui célèbrent les jeux, à l'égal des prêtres qui offrent des victimes, de peur de faire injure à tous les dieux, si tous aiment les jeux du théâtre, ou, ce qui serait plus grave encore, aux dieux réputés bons, s'il n'y a que ceux-là qui les voient avec plaisir. Note. On connaît trois labéons, tous célèbres par leur science en droit civil. Celui que cite ici saint Augustin est le plus célèbre de tous, Antiétius Labéon, qui vivait du temps d'Auguste. Voyez Suétone, chapitre 54, et Eulugel, livre 1er, chapitre 12, et livre 13, chapitre 10 et 12. Chapitre 12. Les Romains, en interdisant aux poètes d'user contre les hommes d'une liberté qu'ils leur donnaient contre les dieux, ont eu moins bonne opinion des dieux que d'eux-mêmes. Les Romains ont tenu à cet égard une conduite toute différente, comme s'en glorifie Scipion dans le dialogue déjà cité de la République. Loin de consentir à ce que leur vie et leur réputation fussent exposées aux injures et aux médisances des poètes, ils prononcèrent la peine capitale contre ceux qui oseraient composer des vers diffamatoires. C'était pour voir à merveille aux soins de leur honneur, mais c'était aussi se conduire envers les dieux d'une façon bien superbe et bien impie, car enfin ils voyaient ces dieux supporter avec patience et même écouter volontiers les injures et les sarcasmes que leur adressaient les poètes, et, malgré cet exemple, ils ne crurent pas de leur dignité de supporter des insultes toutes pareilles. De sorte qu'ils établirent des lois pour s'en garantir au moment même où ils permettaient que l'outrage fît partie des solennités religieuses. Ô Scipion, comment pouvez-vous louer les Romains d'avoir défendu aux poètes d'offenser aucun citoyen, quand vous voyez que ces mêmes poètes n'ont épargné aucun de vos dieux? Avez-vous estimé si haut la gloire du Sénat comparée à celle du dieu du Capitole, que dis-je, la gloire de Rome seule mise en balance avec celle de tout le ciel, que, vous ayez lié par une loi expresse la langue médisante des poètes, si elle était dirigée contre un de vos concitoyens, tandis que vous la laissiez libre de lancer l'insulte à son gré contre tous vos dieux, sans que personne, ni sénateur, ni censeur, ni prince du Sénat, ni pontife, eut le droit de s'y opposer? Quoi, il vous a paru scandaleux que Plaute ou Névius pussent attaquer les Scipions, ou que Caton fût insulté par Cecilius, et vous avez trouvé bon que votre Terence excitât les jeunes gens au libertinage par l'exemple du grand Jupiter. Note. Bien que Terence fût africain par sa naissance, saint Augustin le considère ici comme tout romain par son éducation et ses amitiés, comme par ses ouvrages. Chapitre 13. Les Romains auraient dû comprendre que des dieux capables de se complaire à des jeux infâmes n'étaient pas dignes des honneurs divins. Scipion, s'il vivait, me répondrait peut-être, comment ne laisserions-nous pas impunis des injures que les dieux eux-mêmes ont consacrées, puisque c'est un jeu scénique, où on les fait agir et parler d'une manière si honteuse, ont été institués en leur honneur et sont entrés dans les mœurs de Rome par leur commandement formel? À quoi je réplique en demandant à mon tour comment cette conduite des dieux n'a pas fait comprendre aux Romains qu'ils n'avaient point affaire à des dieux véritables, mais à des démons indignes de recevoir d'une telle république les honneurs divins? Assurément, il n'eût point été convenable, ni le moins du monde obligatoire de leur rendre un culte, s'ils eussent exigé des cérémonies injurieuses à la gloire des Romains. Comment dès lors, je vous prie, a-t-on pu juger digne d'adoration ces esprits de mensonge dont la méprisable impudence allait jusqu'à demander que le tableau de leurs crimes fît partie de leurs honneurs? Aussi, quoique assez aveuglés par la superstition pour adorer ces divinités étranges qui prétendaient donner un caractère sacré aux infamies du théâtre, les Romains, par un sentiment de pudeur et de dignité, refusèrent aux comédiens les honneurs que leur accordaient les Grecs. C'est ce que déclare Cicéron par la bouche de Scipion. Regardant, dit-il, l'art des comédiens et le théâtre en général comme infâme, les Romains ont interdit aux gens de cette espèce l'honneur des emplois publics. Bien plus, ils les ont fait exclure de leur tribu par une note du censeur. Comparez Tite Live, livre 14, chapitre 15, et Tertullien contre les spectacles, chapitre 22. Voilà, certes, un règlement d'une de la sagesse des Romains. Mais j'aurais voulu que tout le reste y eût répondu et qu'ils eussent été conséquents avec eux-mêmes. Qu'un citoyen romain, quel qu'il fût, du moment qu'il se faisait comédien, fût exclu de tout honneur public, que le censeur ne souffrit même pas qu'il demeurât dans sa tribu, cela est admirable, cela est digne d'un peuple dont la grande âme adorait la gloire, cela est vraiment romain. Mais qu'on me dise s'il y avait quelque raison et quelque conséquence à exclure les comédiens de tout honneur, tandis que les comédies faisaient partie des honneurs des dieux. Longtemps la vertu romaine n'avait pas connu ces jeux du théâtre. Ils ne furent, en effet, institués que l'an de Rome 392. Voyez Tite Live, livre 7 chapitre 2. Et s'ils eussent été recherchés par goût du plaisir, on aurait pu en expliquer l'usage par le relâchement des mœurs, mais non, ce sont les dieux qui ont ordonné de les célébrer. Comment donc flétrir le comédien par qui l'on honore le dieu, et de quel droit noter d'infamie l'acteur d'une scène honteuse si l'on en adore le promoteur? Voilà donc la dispute engagée entre les Grecs et les Romains. Les Grecs croient qu'ils ont raison d'honorer les comédiens, puisqu'ils adorent des dieux avides de comédie. Les Romains, au contraire, pensent que la présence d'un comédien serait une injure pour une tribu de plébéiens, et à plus forte raison pour le Sénat. La question ainsi posée, voici un syllogisme qui termine tout. Les Grecs en fournissent la majeure. Si l'on doit honorer de tels dieux, il faut honorer de tels hommes. La mineure est posée par les Romains. Or, il ne faut point honorer de tels hommes. Les chrétiens tirent la conclusion. Donc, il ne faut point adorer de tels dieux. Chapitre 14. Platon, en excluant les poètes d'une cité bien gouvernée, s'est montré supérieur à ces dieux qui veulent être honorés par des jeux scéniques. Je demande encore pourquoi les auteurs de pièces de théâtre, à qui la loi des 12 tables défend de porter atteinte à la réputation des citoyens et qui se permettent de lancer l'outrage aux dieux, ne partagent point l'infamie des comédiens. Quelle raison et quelle justice y a-t-il, quand on couvre d'opprobre les acteurs de ces pièces honteuses et impies, à en honorer les auteurs? C'est ici qu'il faut donner la palme à un Grec, à Platon, qui, traçant le modèle idéal d'une république parfaite, en a chassé les poètes, comme des ennemis de la vérité. Ce philosophe ne pouvait souffrir ni les injures qu'ils osent prodiguer aux dieux, ni le dommage que leur fiction cause aux mœurs. Comparez maintenant Platon, qui n'était qu'un homme, chassant les poètes de sa république pour la préserver de l'erreur, avec ses dieux, dont la divinité menteuse voulait être honorée par des jeux scéniques. Celui-là s'efforce, quoique inutilement, de détourner les Grecs légers et voluptueux de la composition de ces honteux ouvrages. Cela en extorque la représentation à la pudeur des graves Romains. Et il n'a pas suffi aux dieux du paganisme que les pièces du théâtre fussent représentées, il a fallu les leur dédier, les leur consacrer, les célébrer solennellement en leur honneur. À qui donc, je vous prie, serait-il plus convenable de décerner les honneurs divins? À Platon, qui s'est opposé au scandale, ou aux démons qui l'ont voulu, abusant ainsi les hommes que Platon s'efforça vainement de détromper? L'abbé on a cru devoir inscrire ce philosophe au rang des demi-dieux, avec Hercule et Romulus. Or, les demi-dieux sont supérieurs aux héros, bien que les uns et les autres soient au nombre des divinités. Pour moi, je n'hésite pas à placer celui qu'il appelle un demi-dieu non seulement au-dessus des héros, mais au-dessus des dieux mêmes. Quoi qu'il en soit, les lois romaines approchent assez des sentiments de Platon. Si, en effet, Platon condamne les poètes et toute leur fiction, les Romains leur ôtent du moins la liberté de médire des hommes. Si celui-là les bannit de la cité, ceux-ci excluent du nombre des citoyens ceux qui représentent leurs pièces, et les chasseraient probablement tout à fait s'ils ne craignaient la colère de leur dieu. Je conclus de là que les Romains ne peuvent recevoir de pareilles divinités ni même en espérer des lois propres à former les bonnes mœurs et à corriger les mauvaises, puisque les institutions qu'ils ont établies par une sagesse toute humaine surpassent et accusent celles des dieux. Les dieux, en effet, demandent des représentations théâtrales. Les Romains excluent de tout honneur civil les hommes de théâtre. Ceux-là commentent qu'on étale sur la scène leur propre infamie. Ceux-ci défendent de porter atteinte à la réputation des citoyens. Quant à Platon, il paraît ici comme un vrai demi-dieu, puisqu'il s'oppose aux caprices insensés des divinités païennes et fait voir en même temps aux Romains ce qui manquait à leur loi. Convaincu, en effet, que les poètes ne pouvaient être que dangereux, soit en défigurant la vérité dans leur fiction, soit en proposant à l'imitation des faibles humains les plus détestables exemples donnés par les dieux, il déclara qu'il fallait les bannir sans exception d'un état réglé selon la sagesse. S'il faut dire ici le fond de notre pensée, nous ne croyons pas que Platon soit un dieu ni un demi-dieu. Nous ne le comparons à aucun des saints anges ou des vrais prophètes de Dieu, ni à aucun apôtre ou martyr de Jésus-Christ, ni même à aucun chrétien. Et nous dirons ailleurs, avec la grâce de Dieu, sur quoi se fonde notre sentiment. Mais puisqu'on en veut faire un demi-dieu, nous déclarons volontiers que nous le croyons supérieur, sinon à Hercule et à Romulus. Bien qu'il n'ait pas tué son frère et qu'aucun poète ou historien ne lui impute aucun autre crime, du moins à Priape, ou à quelque cynocéphale, ou enfin à la fièvre. La fièvre avait à Rome 3 temples, voyez Cicéron, de la nature des dieux, livre 3, chapitre 25, et Valère Maxime, livre 2, Actions et paroles mémorables. Cynocéphale, fièvre, divinité ridicule que les Romains ont reçue des étrangers ou dont le culte est leur propre ouvrage. Comment donc de pareils dieux seraient-ils capables de détourner ou de guérir les maux qui souillent les âmes et corrompent les mœurs, eux qui prennent soin de répandre et de cultiver la semence de tous les désordres en ordonnant de représenter sur la scène leurs crimes véritables ou supposés, comme pour enflammer à plaisir les passions mauvaises et les autoriser de l'exemple du ciel. C'est ce qui fait dire à Cicéron, déplorant vainement la licence des poètes, ajoutez à l'exemple des dieux les cris d'approbation du peuple, ce grand maître de vertu et de sagesse, quelles ténèbres vont se répandre dans les âmes, quelles frayeurs les agiter, quelles passions s'y allumer. Cicéron, La République, livre 5. Note. Voyez la République de Platon, livre 2 et 3, et les lois, livre 2 et 7. Platon s'y élève en effet avec une force admirable contre les travestissements que les poètes font subir à la divinité, mais il ne bannit expressément de la République idéale que la poésie dramatique. Et dans la République réelle des lois, il se contente de la soumettre à la censure. Chapitre 15. Les Romains se sont donné certains dieux, non par raison, mais par vanité. Mais n'est-il pas évident que c'est la vanité plutôt que la raison qui les a guidés dans le choix de leur fausse divinité? Ce grand Platon, dont ils font un demi-dieu, qui a consacré de si importants ouvrages à combattre les maux les plus funestes, ceux de l'âme qui corrompent les mœurs, Platon n'a pas été jugé digne d'une simple chapelle, mais pour leur Romulus, ils n'ont pas manqué de le mieux traiter que les dieux, bien que leur doctrine secrète le place au simple rang de demi-dieu. Ils sont allés jusqu'à lui donner un flamme, c'est-à-dire un de ces prêtres tellement considérés chez les Romains, comme le marquait le signe particulier de leur coiffure, l'apex, que trois divinités seulement en avaient le privilège, savoir, Jupiter, Mars et Romulus ou Quirinus, car ce fut le nom que donnèrent à Romulus ses concitoyens quand ils lui ouvrirent en quelque façon vont la porte du ciel. Ainsi, ce fondateur de Rome a été préféré à Neptune et à Pluton, frère de Jupiter, et même à Saturne, père de ces trois dieux. On lui a décerné le même honneur qu'à Jupiter, et si cet honneur a été étendu à Mars, c'est probablement parce qu'il était père de Romulus. Note. L'apex est une baguette environnée de laine que les flamines portaient à l'extrémité de leur bonnet. Voyez Servius, commentaire sur l'Énéide de Virgile, livre 2, 683, et livre 8, 654. Valère Maxime raconte que le flamine Sulpicius perdit sa dignité pour avoir laissé l'apex tomber de sa tête pendant le sacrifice. Chapitre 16. Si les dieux avaient eu le moindre souci de faire régner la justice, ils auraient donné aux Romains des préceptes et des lois, au lieu de les leur laisser emprunter aux nations étrangères. Si les Romains avaient pu recevoir des lois de leurs dieux, auraient-ils emprunté aux Athéniens celles de Solon, quelques années après la fondation de Rome? Ce ne fut que 300 ans après la fondation de Rome, selon Tite Live, livre 3, chapitre 33, 34. Et encore n'observèrent-ils pas telles ces lois qu'ils les avaient reçues, mais ils s'efforcèrent de les rendre meilleures. Je sais que Lycurgue avait faim d'avoir reçu les siennes d'Apollon, pour leur donner plus d'autorité sur l'esprit des Spartiates. Voyez Xénophon, gouvernement des Lacédémoniens, chapitre 8. Mais les Romains eurent la sagesse de n'en rien croire et de ne point puiser à cette source. On rapporte à Numa Pompilius, successeur de Romulus, l'établissement de plusieurs lois, parmi lesquelles un certain nombre qui réglait beaucoup de choses religieuses, mais ces lois étaient loin de suffire à la conduite de l'État, et d'ailleurs on ne dit pas que Numa les eût reçues des dieux. Ainsi donc, pour ce qui regarde les maux de l'âme, les maux de la conduite humaine, les maux qui corrompent les mœurs, maux si graves que les plus éclairés parmi les païens ne croient pas qu'un État y puisse résister. Même quand les villes restent debout, pour tous les maux de ce genre, les dieux n'ont pris aucun souci d'en préserver leurs adorateurs, bien au contraire, comme nous l'avons établi plus haut, ils ont tout fait pour les aggraver. Saint Augustin fait peut-être allusion au beau passage de Plaute, Persa, acte 4, scène 4, 1 à 14. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.